Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 1918, après la guerre, les années folles. Une série documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a l'envie d'explorer la sortie de guerre et de scruter une société qui se reconstruit après la grande boucherie qu'on n'en peut plus de commémorer. Plus qu'une victoire, c'est la fin d'un cauchemar, mais le début d'un autre pour les soldats revenus traumatisés. Alors pour commencer, les personnages. Un homme terrifié, des malades qui ne se laissent pas faire, des historiens face au contexte, de jeunes vieillards, des soldats qui appellent leur mère, une historienne dans les correspondances, un soldat enfoui parmi les morts, un médecin militaire horriblement zélé et ce cher vieux Sigmund. Ensuite le décor. L'ancêtre des électrochocs, des névroses de guerre, un procès, l'hystérie masculine pour changer, des congrès de psychiatrie conflictuels, des chevaux éventrés, des corps déchiquetés, Villévrard, des tisanes, des bains chauds, des soupçons de simulation et une science trop allemande. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive en plein assaut. On pense un tremblement de terre, parce que vous n'avez pas besoin, vous tremblez d'abord derrière la mitrailleuse. Et puis on entend le cœur des copains. Vous savez, ça tape, hein. Celui qui dit qu'il n'a jamais eu peur, c'est un j'en fous, je vous le dis. Deux traumatisés de guerre contre les chocs électriques. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani. Il est tombé. Un obus dans la plage qui était composé de 8 chevaux et 4 artilleurs en quinconce. Les chevaux furent éventrés, 2 artilleurs et déchiquetés, 2 artilleurs et 2 autres ne sont pas morts sur le coup. Ils sont mis à hurler. Vous savez, c'était quelque chose à entendre. Maman, maman, fini. C'est pas bon, vous savez. C'est la guerre. La guerre. C'est pas du cinéma, là, hein. Deux années après la fin de la Première Guerre, les 14 et 15 octobre 1920, précisément, le Parlement autrichien vota la création d'une commission d'enquête sur l'existence de forfaitures militaires. Des voix s'étaient élevées pour accuser des médecins d'avoir soumis des soldats à de mauvais traitements. Parmi ces voix, celle du lieutenant Kaudos, blessé sur le front russe et qui subit de violents traitements électriques de la part du professeur Julius Wagner von Jaurek, médecin-chef de la clinique de neuropsychiatrie de Vienne. Cette commission aboutit à une audience publique où Freud intervint au titre d'expert. Les débats furent parfois vifs entre les deux hommes, à la croisée de l'hystérie, de la simulation, des névroses et psychoses de guerre. Il n'y a pas qu'en Autriche que des soldats traumatisés vont se rebeller contre la médecine militaire. Ils vont aussi agiter la psychiatrie française. Il faut dire qu'après la guerre de 1870 et le conflit russo-japonais de 1904, où l'on a réalisé de premières descriptions scientifiques des traumatismes psychiques, un nouveau palier est franchi avec la Première Guerre mondiale. L'impact d'une nouvelle technologie de guerre fait surgir une émotion et une souffrance nouvelles chez les soldats qui ont vécu l'expérience du front. C'est ainsi qu'avant la plainte du lieutenant Coders, le zouave Baptiste Deschamps fut traduit devant la justice pour avoir refusé les traitements électriques du neurologue Clovis Vincent. Son procès eut un énorme retentissement en France en 1916. Quant au cas Coders, il sera redécouvert bien des années plus tard grâce au récit du psychanalyste autrichien Kurt Eisler. Mon nom est Kurt Eisler. Je suis né à Vienne le 2 juin 1908. Je suis psychanalyste aux États-Unis, où j'ai émigré en 1938, au moment de l'Anschluss. Je dois confesser que je n'ai pas assisté à ces deux journées d'audience, majeures pour l'histoire de la psychanalyse. Cependant, pour en faire le récit, j'ai pu m'appuyer sur les archives de Sigmund Freud et surtout sur le témoignage de Walter Kauders lui-même, que j'ai rencontré à de nombreuses reprises aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Plus de 30 années après les faits, l'ancien lieutenant m'a livré un récit détaillé de toute cette affaire, qui fit grand bruit en Autriche dès la fin de la guerre. Après la guerre, au moment de l'effondrement des puissances centrales, il s'est passé, tant en Allemagne qu'en Autriche-Hongrie, un bouleversement politique. Laura Sokolowski. Il y a eu un effondrement de l'ancienne structure monarchique, impériale, des Habsbourg. Et donc, il y a eu un mouvement comme ça, un peu d'ébullition, qui fait que des sociaux-démocrates, des gens de gauche, des expériences politiques, artistiques, culturelles, musicales se sont mis en place. Et donc, il y a eu comme ça aussi un mouvement d'ouverture. C'est dans les pays où il y a la défaite qui s'est produite, on n'était pas dans l'arrogance de la victoire, mais dans un moment où il fallait tout reconstruire après la catastrophe et la fin d'un ordre. Quand vous lisez Stefan Zweig sur le monde d'hier, c'est de ça dont il parle. C'est d'un ordre aboli, de quelque chose à la fois qui est détruit et de quelque chose qui se reconstruit. Cette commission parlementaire, si elle a pu se mettre en place, c'est parce qu'il y avait un contexte politique favorable et que ça n'aurait peut-être pas été possible ailleurs. En tout cas, pas dans les pays victorieux. La première démarche par laquelle la commission s'ouvrit au public a été une annonce demandant à la population de lui faire des dénonciations. Cette démarche n'eut que peu d'écho, ce qui est surprenant car le public avait réclamé cette enquête avec véhémence. Des questionnaires ont été envoyés à tous les officiers, médecins, militaires et à de nombreux civils. Le 11 décembre 1918, apparut dans Der Freie Soldat un article sous le titre « La torture par l'électricité ». Le lieutenant Kauders publia dans ce même quotidien son journal. Tous accusaient le corps médical de soutenir avec complaisance le militarisme, d'être dur, cruel et inhumain envers les soldats pendant la guerre. C'est extrêmement important parce que on a vraiment, grâce à Kauders, un témoignage très très très précis de ce qu'un soldat pouvait vivre à cette époque-là dans des hôpitaux militaires. En tout cas, peut-être pas tous, mais dans cette clinique de Werner Jauregg, il a vécu des... Enfin, ça s'appelle de la torture, tout simplement. Julius Wagner Jauregg était un psychiatre de l'ancienne école, hermétique aux racines de la vie psychique. Pour lui, la maladie mentale était une sorte de composé microscopique que l'on observe et décrit, mais jamais un trouble conflictuel et douloureux de l'être humain. Wagner Jauregg occupe une place éminente dans l'histoire de la psychiatrie. Il découvrira quelques années plus tard la guérison de la paralysie générale par l'inoculation de la malaria et le prix Nobel lui sera accordé en 1928 pour cette découverte. Avec une telle personnalité, il a dû être très affecté d'être subitement au centre de lourdes accusations. C'est des affrontements entre différents tenants de la médecine. Et les psychanalystes étaient aussi à la recherche d'un certain respect, d'une honorabilité, finalement, dont ils n'avaient bénéficié pas à cette époque-là. Il y a eu un grand congrès, je crois que c'est 1913, où vraiment il y a eu un déchaînement de haine et de critiques vis-à-vis de la méthode psychanalytique, un congrès de psychiatrie. Ils étaient considérés un peu comme des charlatans, comme des hurluberlus en neurologie, par exemple. Et les neuropsychiatres de l'époque disaient « Mais enfin, vous nous parlez tout le temps de la sexualité, de l'étiologie sexuelle des névroses, vous voyez bien ?» qu'il y a des névroses qui ne sont absolument pas liées à la sexualité. Les névroses de guerre ne font pas partie du tout des névroses. Votre explication est tout à fait loufoque. Et donc, les névroses de guerre ont été un enjeu, si vous voulez, de conflit entre les tenants de la théorie mécanique et puis les psychanalystes qui, là, devaient répondre quand même à cette attaque des tenants du mécanicisme. Alors là, nous sommes au musée du service de santé des armées et nous sommes devant des statuettes en cire, des moulages en cire ou en plâtre. Jean-Yves Le Naour. Qui représentent des troubles fonctionnels dits hystériques. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On voit surtout des hommes qui sont courbés en deux, qui marchent avec une canne, avec un bâton complètement plié, ou bien qui ne peuvent pas poser un pied au sol, qui ont un pied beau hystérique, comme on dit, ou bien qui ont des mains tout à fait flasques, des bras flasques, ou des jambes qui ne les portent plus. Ils sont obligés de marcher avec des béquilles. C'est très impressionnant. Ce sont des hommes qui sont jeunes, ces hommes qui font la guerre en 14-18, et on a l'impression de vieillards pliés en deux, marchant sur des cannes, d'où d'ailleurs les noms de syndrome des petits vieux. Voussure, dovouté, des termes comme ça qui ont été inventés en 14-18, et puis des termes un peu plus scientifiques, plicaturé, cramptocormique. Dans les tranchées, pendant les bombardements, ces soldats se sont repliés en position fœtale, et quand les bombardements ont cessé, eh bien, ils n'ont pas pu se déplier. C'est très étrange, ils restent complètement pliés comme ça. Et alors, on ne sait pas les soigner. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Au départ, on pense que c'est une affection physique. On se dit que peut-être dans l'air, les bombardements, il y a peut-être de la limaille de fer microscopique qui est entrée dans les tissus et qui a paralysé je ne sais quel muscle. Ou bien c'est le déplacement d'air avec les explosions qui a ébranlé le liquide céphalo-rachidien dans lequel baigne le cerveau. Et donc, ces hommes sont de vrais blessés, ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas des hystériques, ce sont des vrais blessés, mais on ne sait pas les soigner, on ne sait pas les diagnostiquer. Les médecins arrivent, se disent, mais est-ce que c'est une affection physique? Est-ce que c'est une affection psychique? On ne sait pas. D'où l'expression de shell shock, le choc de l'obus, le choc de l'explosion. On dit aussi obusite. Obusite qui vient d'une vieille déjà observation des chirurgiens des guerres napoléoniennes où on parlait du vent du boulet. C'est-à-dire, par exemple, on s'était aperçu que lors d'une bataille, un boulet avait frôlé un soldat et un grognard qui avait perdu la parole alors qu'il n'avait pas été blessé. Donc on avait dit simplement c'est le vent du boulet qui était peut-être chargé en électricité, on invente des tas de théories, qui lui a fait perdre la parole. Alors qu'en fait, c'est simplement une infection traumatique et psychique. Mais en 14, on est aussi démunis que sous la Révolution et l'Empire, et du vent du boulet, on passe au vent de l'obus, à l'obusite, et toujours à cette idée que ces affections sont physiques et non psychiques. Là, on est dans la série des bâtiments où vont se retrouver ces fameux militaires. Corinne Benestroff, ancien asile de Ville-Évrard, août 2018. C'est toujours le degré d'agitation et d'activité délirante qui va induire la pratique de soins qui va leur être proposé. Donc souvent il y a un bain chaud avec un régime alimentaire plutôt végétarien lacté, les tisanes, et puis après on aura l'interrogatoire médical L'idée, quand même, c'est le malade au repos, pour qu'il reprenne un peu ses esprits. C'est la méthode déjà. Douce ici à Villeroy. Plutôt, oui. Les aliénistes, donc les médecins traditionnels des asiles, sont plutôt bienveillants envers les soldats. En fait, pour eux, la question de la simulation, bon, ça peut leur passer par la tête, mais c'est pas leur propos, c'est pas leur eux ce qu'ils veulent vraiment comprendre, c'est voilà comment ce pauvre garçon est arrivé comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il s'en sorte. Donc on n'est pas dans la même configuration que la psychiatrie militaire qui elle aussi est naissante à cette époque-là. Certains médecins, comme le fameux Roch de Fursac, va demander à ses patients de raconter sa guerre, d'abord pour créer une alliance thérapeutique, on dirait aujourd'hui, une espèce de relation de confiance entre le médecin et son patient, et aussi pour avoir des informations sur ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'écriture, à ce que dit la parole écrite à la place de la parole orale. Et ensuite, en arrière-plan, il y a aussi la fameuse question de la simulation. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de se faufiler et se faire passer pour fou pour éviter de faire son devoir, ou est-ce que c'est pas le cas ? Donc on peut peut-être lire une lettre d'un patient. C'est un caporal de la 20e compagnie de chasseurs à pied. Monsieur G. Monsieur le médecin-chef, vous me faites l'honneur de vous écrire mes impressions sur ma campagne de guerre et particulièrement la vie de tranchée. J'ai forcé mes souvenirs et quelques faits nouveaux dont je viens de me rappeler m'aideront à y mettre un peu plus de précision. Bon, la lettre est assez longue. Pendant ce temps se déroulaient toujours les combats. Nous sommes dans ce fameux trou où les morts forment presque des remparts. Je dois dire que dès les premiers combats, la vue du sang et des morts me causait des troubles indéfinissables. Souvent je fus pris de peur, je devins triste, sombre, inquiet. Mes camarades me fuyaient car je n'avais plus pour eux que des sujets de discussion. Ces dernières phrases, vous voyez, elles ont été soulignées par le médecin. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise le texte pour repérer, par exemple, on imagine le début des symptômes, le début des premières manifestations. Un petit fait qui est survenu m'a bouleversé en allant à l'assaut d'une tranchée quand les Allemands évacuèrent en hâte un camarade tombé près de moi. En l'espace de quelques minutes, il rendait le dernier soupir. Nous fîmes un trou perpendiculaire, puis nous l'enterrâmes près de moi. Comme il faisait nuit, on ne l'enterra pas bien, si bien que le lendemain, je vis les pieds dépassés toute la journée. Et la fin de la lettre, donc il y a deux pages comme ça. J'arrive dans un boyau, un zouave dort de son dernier sommeil, les yeux grands ouverts. Je reste devant, je suis suffoquée et je ne sais pas la suite. Tout ceci me fait comme un tourbillon quand j'y pense. Je suis malade de tous ces mots qui me font tant mal à la tête, puis toujours les morts, pourtant je suis là de les voir dans mon sommeil. J'ai fini mon récit, je termine en vous offrant avec mon remerciement l'assurance de mon profond respect. Donc là on peut voir les premiers signes. Aujourd'hui, on appelle ça la névrose traumatique ou le syndrome psychotraumatique avec les cauchemars récurrents et les images, les flashbacks, c'est-à-dire le sujet revit la scène. Et donc, le diagnostic qui a été posé, c'est psychose commotionnelle, idée de suicide. Donc lui, il a fait le circuit classique, il a été au front, l'hôpital d'arrière, et puis transfert vers Villeuvrard. C'était en décembre 1915. Ceux qui deviennent fous, ce sont des prédisposés. Ils devaient devenir fous, de toute façon, guerre ou pas guerre. Une des premières questions qu'on pose à ces hommes, à l'hôpital ou dans les formations sanitaires, effectivement, c'est est-ce que vous êtes un alcoolique? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vos parents buvaient? Est-ce qu'il y a eu de la tuberculose? Est-ce qu'il y a eu une syphilis dans la famille, etc.? Est-ce que vous avez des fous dans la famille? On voudrait que les choses soient déterminées. On pense qu'il y a de la prédisposition. C'est vraiment cette théorie qui prédomine chez les médecins au début de la guerre. Et puis, le problème, c'est que la guerre dure, et plus la guerre dure, plus on rencontre de soldats ainsi traumatisés. Et la thèse de la prédisposition, elle vole en éclats. Parce que si ces soldats étaient des faibles, des efféminés, des femmelettes, comme on pensait à l'époque, parce que l'hystérie, ça relève du féminin, les hommes ne sont pas hystériques, seules les femmes sont hystériques avant la guerre de 14. Hystérie, ça vient d'utérus, c'est féminin. Et tout d'un coup, vous avez tous ces hommes-là qui deviennent hystériques. C'est tous des femmelettes, tous des efféminés, c'est pas possible. Surtout que certains se sont comportés comme des héros pendant des mois, ont été décorés, même pendant des années, tout d'un coup, avant d'éprouver ces affections. Donc on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, ces théories ne fonctionnent pas. Et les médecins sont déstabilisés dans ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne savent pas traiter, ils ne savent pas ce que c'est que ces affections. Et imaginez que vous allez voir le médecin en disant « Regardez, je comprends pas, j'ai le pouce ou j'ai le poing serré, je peux pas le déplier ». Évidemment, le médecin se dit « Mais il se fout de moi ». Et donc, comme on ne comprend pas, on va les considérer, on les considérait d'abord comme des prédisposés, mais on va se mettre à les considérer comme peut-être des menteurs, des simulateurs. C'est vraiment au cours de l'année 1916 qu'on cesse de considérer ces malades comme des blessés physiques et on comprend que ce sont des malades psychiques. On les traite de sursimulateurs, métasimulateurs, exagérateurs, persévérateurs. Voilà, ça c'est le langage médical. En fait, on ne veut pas les dire malades. Alors comme on ne veut pas les dire malades, eh bien, on va inventer tout ce verbiage qui sent quand même la culpabilité. Parce que comme ils n'ont pas de maladie physique, on se dit que, alors soit ce sont des vrais simulateurs, bien sûr ils mentent pour être retirés du front, soit ils ont inventé une maladie dont ils souffrent réellement, psychiquement, pour être retirés du front, mais en éprouvant tout à fait les symptômes. C'est ça d'ailleurs l'hystérie, Charcot disait que l'hystérie c'est la grande simulatrice, on imitait les symptômes d'une maladie organique, alors qu'on n'en avait pas. Donc, vous voyez, avant la guerre, cette idée déjà de simulation elle est déjà là, ce qui fait que pendant la guerre, ces soldats vont être très maltraités. On les voit un petit peu d'un mauvais œil. Même s'ils sont des simulateurs dits inconscients, c'est quand même pas de bons soldats. C'est quand même en quelque sorte des embusqués du cerveau. C'est quand même des lâches. Donc avec eux, il y a des méthodes assez violentes qui peuvent être employées. Et puis voilà qu'à partir de 1915, vous avez un docteur qui s'appelle Clovis Vincent et qui considère qu'il a trouvé une formule magique pour redresser tous ces corps et pour les rendre à l'armée. Cette méthode magique, c'est la torpille électrique. En fait, c'est l'électricité à haute dose. Il applique effectivement ces torpilles électriques dans le bas du dos des hommes et ça leur fait une telle douleur qu'ils se redressent physiquement, qu'ils se redressent automatiquement. Et tant que l'homme n'est pas droit, il continue à lui donner des charges électriques, et tout en le faisant marcher dans un couloir et en accompagnant ses coups de torpille d'insultes, puisqu'il s'était auto-suggestionné les malades. Il va utiliser la suggestion, et pour lui, la suggestion, ce sont les insultes. Alors il dit espèce de cochon, espèce de lâche, tu vas te redresser, je vais te redresser, moi, espèce de lâche, etc. Et puis, paf, les décharges électriques dans le dos. Donc la douleur fait que l'homme se redresse. Les séances peuvent durer comme ça une demi-heure. Il peut y avoir plusieurs séances chaque jour, chaque semaine. Et le docteur Clovis Vincent estime qu'il a redressé ainsi plus de 300 soldats et que si on appliquait sa méthode, si on la généralise à la France, eh bien on pourrait rendre 10 000 hommes, peut-être 15 000 à l'armée. C'était un truc à la chaîne en fait. C'était ça qui était pratique pour eux avec les traitements électriques. C'est qu'avec le pinceau à faradiser, on pouvait y aller toutes les demi-heures. Tandis que la psychanalyse, oulala, ça allait prendre du temps, c'est pas du tout fait pour ce genre de traitement de masse, que la psychanalyse est faite pour au un par un et dans un contexte de cabinets privés et qu'il fallait bien traiter d'une manière ou d'une autre une masse tout à fait considérable de soldats traumatisés dans les services. Et là, Freud va répondre, mais si, vous vous trompez. I suffered my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend. La psychanalyse, c'est une science qui est toute jeune et elle est très méconnue en France. On vient à peine de traduire quelques articles, juste avant-guerre, on vient à peine de traduire quelques articles de Freud et la réaction, c'est qu'on s'en moque. On s'en moque. Donc non seulement Freud n'est pas connu, mais quand il est connu, on dit que c'est une science de l'esprit malade. C'est un article de 1916 du docteur Paul Voisvenel. La psychoanalyse, c'est vraiment une science allemande qui parle que de sexualité. C'est n'importe quoi, toutes ces histoires. D'histoires de bonnes femmes, d'histoires d'Oedipe, d'enfants qui veulent coucher avec sa mère, etc. Il y a du sexe partout. C'est un obsédé. C'est vraiment... Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. La science de l'esprit malade, hein, dit le docteur Paul Voisvenel. Et puis en plus, on est en guerre. Et le nationalisme l'emporte. Et Freud, c'est quand même un Autrichien, un Ostrobosch. Donc, on n'a pas à tenir compte de ces théories. Et ce qui est curieux, c'est que les théories de Freud, elles vont rentrer en France par les Américains. Et les Américains qui interviennent en 1917, eux, ils n'ont pas du tout de méthode brutale vis-à-vis de leurs soldats, comme peuvent avoir les Français, les Italiens ou les Allemands. Et ils ont des méthodes beaucoup plus douces et ils s'intéressent beaucoup plus que les Français aux théories de la psychoanalyse. Et donc, Freud va faire son entrée en France par les Américains. Alors que Kaudos, en 1914, travaillait pour un éditeur de revues spécialisé à Berlin et que la guerre menaçait, une amie essaya de le convaincre de venir s'établir en Suisse, où il aurait immédiatement retrouvé un emploi dans l'édition. Kaudos refusa. Il convient donc de souligner que Kaudos aurait eu la possibilité de passer la guerre tranquillement en Suisse et qu'il se présenta volontairement au service militaire. À Vienne, Kaudos vint prendre son uniforme et rejoignit son régiment. Il était alors aspirant de réserve du régime d'infanterie de Bohême. Après plusieurs jours de transport, ils atteignirent Cracovie, puis franchirent la frontière russo-polonaise. Alors le lieutenant Koders, donc, c'était un patriote, quelqu'un qui était tout à fait engagé dans ses fonctions militaires, qui avait été en charge d'un bataillon, voilà, à la frontière russo-polonaise. Et donc, il avait eu un certain désenchantement du fait de se retrouver extrêmement démuni. Lui qui partait un peu la fleur au fusil, s'était retrouvé dans une pénurie totale de matériel. Il n'avait même pas de carte de la région, il avait un petit dessin griffonné. Il était avec des soldats sous son commandement qui ne parlaient même pas le hongrois, mais qui était tchèque, un vieux sabre rouillé, enfin, des choses invraisemblables. Il y a effectivement dans le livre de Heisler, ceci. Marlène Bellilos. Son équipement se composait de vieilles jumelles, d'un pistolet militaire, d'un vieux modèle et d'un sabre qui le gênait pour marcher. Comme on ne disposait pas de carte de la région, on l'avait doté d'une esquisse du terrain faite au crayon, où étaient indiqués les cours d'eau, les parcelles de forêt, les chemins carrossables et les fermes. Là apparaît, comme dit Heisler, le côté opérette de la chose. Et puis il a eu donc aussi un moment de traumatisme lié au fait d'avoir été engagé dans un combat où il avait vu deux de ses officiers mourir sous ses yeux. En plus de ça, lui-même est blessé à la tête. Il ne s'en rend pas compte tout de suite. Et ce dont il ne se rend pas compte non plus, c'est qu'il a uriné. En fait, son corps l'a lâché. Il s'est évanoui dans une atmosphère absolument suffocante de combat, d'horreur. Le 9 septembre 1914, soit 9 jours après sa blessure, Kaudos fut transporté à l'hôpital de garnison numéro 2 à Vienne. Il fut conduit à Wagner Jaurek, médecin consultant à l'hôpital. Celui-ci diagnostiqua une commotion cérébrale patente et en envisagea une opération, mais on se prononça finalement pour un traitement conservateur. Kaudos était dans une chambre à 2 lits et peu à peu un violent sentiment de désespoir l'envahit, car il ne voyait pas son état progresser. Il souffrait de maux de tête, de malaise et de troubles de la vue. Il commençait à regretter d'être revenu vivant de Pologne. Il fut ensuite envoyé devant la commission d'arbitrage. Là, il fut déclaré invalide et inapte à toute opération de combat et fut renvoyé chez lui à Berlin. Mais il y a les besoins de la guerre. Alors, il y a une autre commission qui va l'examiner et qui va le rappeler. Ça, c'est en 1917. Et cette commission traque les planqués. Il est déclaré apte. Et à ce moment-là, il est suspecté de simulation. Et là commence son cauchemar. Le premier jour de la commission, Kaudos fit la déclaration suivante. Je le cite. Le 28 novembre 1917, je fus amené auprès de Wagner Jaurek. Celui-ci me remit au traitement du docteur Koslowski, qui me dit « Prenez garde à ne pas être traité par moi. Mes cures sont incisives. » 3 jours plus tard, il envoya un gardien me chercher dans ma cellule. Avant de m'étendre sur un lit, Koslowski me fit marcher de long en large aussi vite que possible. Je fus ensuite martyrisé d'une façon barbare. Les douleurs que provoque la faradisation au pinceau sont indescriptibles. C'est comme si d'innombrables vrilles étaient enfoncées jusqu'au cœur des os, à une vitesse vertigineuse. La douleur consiste en une infinité de chocs violents. À grand renfort d'énergie, je me contraignais à ne laisser échapper aucun gémissement de douleur. La première torture dura plus d'une demi-heure. Je fus ramené à ma cellule et là, m'effondrai sur mon lit. Il faut peut-être juste s'arrêter un moment sur l'histoire personnelle de ce lieutenant Kauders. Ce qu'il a ulcéré, lui, c'est la mise en cause de sa parole par le professeur Wagner Jaurek qui dirigeait la clinique et qui a douté de lui. Il l'a accusé de simulation et il a même été jusqu'à se demander si Kauders avait été à la guerre. Le mensonge, c'était la pire chose pour Kauders parce que ça le renvoyait à un souvenir d'enfance où son père l'avait accusé de mensonge. Il avait effectivement, comme un gamin à l'époque, il avait imité la signature de son père pour ne pas montrer un bulletin scolaire. Et son père lui avait cité une phrase en lui disant « Qui ment tue et qui tue va à la potence ». Donc c'est ce souvenir qui va revenir à Kauders et qui va le rendre fou de rage. Et c'est pour ça qu'il va déposer cette plainte et aller jusqu'au bout. Wagner Jaurek ne parvint pas à convaincre Kaudos qu'avec un peu de bonne volonté, il devait réussir à surmonter ses douleurs. Wagner Jaurek lui répéta que la participation de sa volonté était insuffisante et qu'il s'accrochait de façon tenace à l'idée qu'il était gravement malade. Ses symptômes pouvaient disparaître rapidement par un rétablissement énergique de la volonté. Wagner Jaurek était sûr que Kaudos était un simulateur. Il y a eu la même histoire en France, avec notamment un des grands tenants de ces traitements a été un docteur qui s'appelle Clovis Vincent et qui a été vraiment un fervent défenseur des traitements électriques et qui s'est retrouvé, il y a eu un zouave qui l'a traduit en justice et qui a été jusqu'au bout, qui a été un peu le lieutenant Coderce de la France. C'est un solide paysan de la Haute-Vienne qui est plié en deux là depuis l'automne 14. Hein, ça bombardait, il y a un obus qui a fauché plusieurs de ses copains. Lui, il s'est jeté dans un fossé de plus de 3 mètres. Donc il considère que avec son sac, hein, qui était lourd quand même, 30 kilos, bon, quand il s'est reçu, évidemment, il a eu mal et il considère qu'il s'est plié en deux et qu'il n'arrive plus à se déplacer. Voilà, qu'il est un vrai malade physique. Et au départ, on le considère comme un vrai malade physique. Il fait le tour des hôpitaux, on va l'opérer pour une hernie qui est totalement imaginaire. On le passe à la radio, on ne voit rien. Et finalement, début 1916, on va enfin le diagnostiquer comme hystérique. Et alors, on va l'envoyer à Tours, au centre neurologique de Tours, où officie Clovis Vincent avec sa miraculeuse baguette magique électrique. Et simplement, lui, ça fait déjà 2 ans qu'il fait le tour de tous les hôpitaux. On le traite de toutes les manières possibles. Et quand il arrive au centre neurologique de Tours, il apprend qu'on utilise l'électricité à haute dose. Il y a des rumeurs, parce que les gens crient. Hein, c'est tellement douloureux que les gens crient. Donc, on entend crier dans la cour, on entend crier dans la rue, dans les passants. Bon, mais Baptiste Deschamps, quand il entend ces rumeurs, il dit non, on ne me traitera pas l'électricité. Moi, j'en ai marre. Hein, voilà, vous ne me traiterez pas. Il refuse le soin. Le problème, c'est que le médecin, il a le grade de major, il a le grade de capitaine. Et lui, il est soldat. Il doit obéissance à son supérieur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Clovis Vincent a voulu torpiller de force Baptiste Deschamps. Et Baptiste Deschamps lui a décoché un direct du droit. Voilà. Et puis, il y a eu une bagarre. Clovis Vincent a posé ses torpilles. Il faisait de la boxe. Hein, il l'a mis par terre dans un coin. Et puis, il l'a roué de coups. Et quand il a fini de le rouer de coups, il l'a envoyé en conseil de guerre. Pour voie de fait sur supérieur, non pas pour désobéissance, mais voie de fait sur supérieur. Et voie de fait sur supérieur en temps de guerre, le code de justice militaire dit que c'est la peine de mort. Dès le premier jour de l'audience, Freud fut invité par le président de la commission à livrer son expertise. Dans la façon de concevoir cette affaire, « il n'y a entre nous aucune divergence », dit Freud. « Je voudrais dire que M. Wagner-Jauric étend le cadre de la simulation un peu loin. J'aurais vu dans bien des cas moins de simulation et plus de névrose. Mais cela n'est pas une différence de principe. » Le professeur Freud, qui avait publié cette année-là, en 1920, Jenseits des Lustprinzips, au-delà du principe de plaisir, dont le contenu illustre en partie le nouveau courant de pensée sur le traumatisme, ne pouvait affronter un Wagner-Jauric omniscient à Vienne. Judicieusement, il prit le soin de laisser toute querelle sur la conception théorique et clinique des névroses de guerre. Je sais, comme le professeur Wagner-Jauric, que toutes ces névroses sont une fuite dans la maladie, dit Freud. Le traitement électrique a pour but d'être désagréable. L'homme s'enfuit parce que la guerre lui est désagréable. Lorsque le traitement de la maladie lui est encore plus désagréable que la guerre, alors il se rétablit. Le calcul a un sens, mais l'application est trop cruelle. Toute cette thérapie n'est pas la mienne. Selon Freud, schématiquement, la névrose traumatique de guerre, c'est une division dans le moi. Entre le moi d'avant la guerre, le moi pacifiste, entre guillemets, et une identification à des idéaux, à ce qui vous pousse à prendre un fusil puis à aller combattre, à des idéaux guerriers, ce qu'on appellerait des signifiants maîtres, aussi lié au fait qu'il faut aller tuer l'ennemi, il faut aller se battre, il faut être un héros, il faut être un homme, il faut aller tuer le gars d'en face. Et que donc, au moment où l'obus arrive, où le choc se produit, tout d'un coup, C'est, je le dis comme ça parce que vraiment dans la lettre à Jones, Freud le dit comme ça. Le vieux moi comprend qu'il est en danger, non seulement parce qu'il a la bombe, mais parce qu'il a en lui une identification qui est tout à fait dangereuse. C'est-à-dire que le moi guerrier, cette identification est potentiellement mortelle, mortifère. C'est ce qu'on appellerait aussi le surmoi dans d'autres termes. C'est-à-dire que le conflit n'est pas qu'avec l'extérieur, il est aussi à l'intérieur même du sujet. Le moi est menacé par une identification qui est en lui et qui le pousse à se sacrifier, qui le pousse à la mort. Voilà. Et la névrose traumatique serait donc une fuite pour éviter ce conflit-là. Et donc pour préserver la vie, d'une certaine manière. Et donc, c'est à partir de là que Freud, et Simmel aussi a compris cela, qu'on est sur la voie de la deuxième topique, qui date de ces années-là, du tournant des années 20, c'est-à-dire de la découverte de la pulsion de mort, que Freud va développer dans l'au-delà du principe du plaisir, et où, il y a, dans la deuxième partie, justement, Freud reprend la question des cauchemars et de la névrose traumatique de guerre. Auparavant, avant l'introduction de la deuxième topique, on pensait que si un patient ne guérissait pas, c'est parce qu'il y avait une résistance à guérir, des bénéfices dans la maladie. Et la pulsion de mort va modifier complètement ce terrain-là. C'est-à-dire que Freud va mettre en valeur le fait qu'il y a une compulsion de répétition. Qu'il y a quelque chose qui se répète, par exemple dans le cauchemar des névrosés de guerre, c'était tout à fait apparent, mais ce qui va dégager et qui va être fondamental après pour la psychanalyse, c'est cette compulsion de la répétition, c'est le phénomène de la répétition. Pourquoi est-ce qu'on répète quelque chose qui nous fait du mal? Pourquoi est-ce qu'on tombe toujours dans les mêmes erreurs? Pourquoi est-ce qu'on va rencontrer toujours le même type de personnages qui vont vous blesser? Pourquoi est-ce qu'on répète ça? Pourquoi est-ce qu'on répète le déplaisir? C'est quand même étrange. Et pourquoi est-ce qu'on résiste à guérir? C'est, voilà, par exemple, à aller mieux. Pourquoi est-ce qu'on veut son propre mal? C'est ce que Lacan plus tard élabora sous la forme de la question de la jouissance. Mais c'est vraiment de la guerre et des travaux issus des années 20 que va se dégager quelque chose de tout à fait fondamental pour la psychanalyse encore aujourd'hui. Ici, votre traitement n'a pas réussi. Il n'a apporté à M. Kaudos qu'une méconnaissance des intentions du médecin, dit Freud à Wagner Jaurek, qui s'aguerrit au fil de l'audience. J'ai pratiqué le traitement disciplinaire qui était très recommandé, au lieu de le convaincre qu'il n'était pas malade, lui retorqua l'incriminé. C'est alors que le président intervint. Monsieur Freud, vous auriez jugé bon d'appliquer un traitement analytique? Dans ce cas, oui, répondit Freud. En Allemagne, avant la fin de la guerre, il s'est avéré nécessaire de traiter une série de cas tenaces. Cela a été pratiqué par le professeur Schnee et son assistant, Monsieur Simmel. Cette méthode a eu un résultat thérapeutique extraordinaire. Précisément, au moment où la débâcle arriva, cette expérience aurait dû être étendue aux névrosés de guerre. Il y a eu un congrès de psychanalyse à Budapest, et le gouvernement autrichien y a même envoyé un médecin d'état-major pour savoir ce qu'il s'y passait, car il voulait aussi installer des services de psychanalyse pour le traitement de ces malades. Il y a un moment donné où les élèves de Freud, enrôlés dans l'armée, ont essayé d'appliquer au sein des services de santé militaire dont ils avaient la charge. Abraham, Ferenzi, Simmel étaient donc à Eitigon aussi, donc des élèves vraiment des gens très très proches de Freud, qui étaient psychiatres et formés à la psychanalyse, ont tenté d'appliquer des méthodes inspirées de la psychanalyse sur des soldats traumatisés en tant que médecin. Et notamment, Ernst Simmel avait fait paraître une étude dans laquelle il montrait qu'une méthode mixte inspirée de la psychanalyse donnait de très bons résultats. Une méthode de traitement rapide qui mêlait donc l'interprétation des rêves et l'hypnose cathartique. Et donc il avait l'idée au fond que ce qui rendait malade, c'était qu'au fond le soldat avait introjecté d'une certaine manière l'agressivité. Il n'avait pas pu répondre à un officier qui lui avait mal parlé. Il y a quelque chose de la cruauté, de la violence de la guerre qui l'avait retourné sur lui finalement. Et donc il avait l'idée qu'il fallait abréagir cette violence, cette agressivité. Pour la détourner du sujet, il fallait qu'il l'extériorise. Et donc, par exemple, il avait imaginé d'hypnotiser des traumatisés de guerre dont il avait la charge pour leur faire taper sur des mannequins et décharger l'agressivité. Ça peut paraître naïf, mais on comprend bien de quoi ça relève chez lui. Il avait l'idée que la destruction, elle était tournée vers l'intérieur au lieu d'être tournée vers l'extérieur, que c'est ça qui rendait malade le soldat traumatisé. Et donc, les responsables gouvernementaux et médecins militaires se sont dit, mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher du côté de la psychanalyse. Ils arrivent à des résultats apparemment satisfaisants en 2-3 séances. Ça a l'air d'être quand même quelque chose qu'il va falloir explorer. Et donc, c'est pour ça qu'en septembre 1918, il y a eu à Budapest un premier congrès de psychanalyse. C'est le cinquième et le premier sur les névroses de guerre, où il n'y avait pas dans l'assistance que des psychanalystes. Il y avait aussi des représentants gouvernementaux et des médecins militaires qui étaient là. Alors, c'est un moment charnière. C'est un moment extrêmement important. Parce que c'est un moment où Freud s'est avancé à dire que, finalement, face à tant de détresse, face à la catastrophe de la guerre, les psychanalystes n'allaient pas rester les bras croisés. Il fallait au fond tendre la main à la population, aux soldats traumatisés de guerre, en ouvrant des centres de traitement inspirés de la psychanalyse, qui seraient donc dirigés par des psychanalystes. Bon, Freud ne s'est pas fait tellement d'illusions sur le fait que les médecins vont s'intéresser à la psychanalyse par le biais des névroses de guerre et vont être convaincus. Pour lui, finalement, les névroses traumatiques de guerre, la manière dont la psychanalyse l'envisageait, c'était finalement comme une espèce de vulgarisation pour les médecins. On va vous parler de la psychanalyse et vous ne pourrez plus nous dire que ça ne sert à rien puisque les gouvernements eux-mêmes pensent que ça va être bénéfique et qu'il va falloir utiliser la psychanalyse dans des traitements des névroses de guerre. Le deuxième jour des débats fut une complète victoire pour Wagner Jaurek et une défaite écrasante pour la psychanalyse. Même le psychiatre Otto Pötzl, partisan de la théorie psychanalytique, déclara que la psychanalyse n'aurait rien eu à faire dans le traitement des névroses de guerre. On peut dire qu'avec la psychanalyse, déclara Pötzl devant la commission, on n'atteint pas en 2 ans ce qu'on atteint en 2 heures avec la faradisation et en quelques semaines avec l'isolement. Quelques jours après la fin de la commission, le 31 octobre 1920, Freud écrivit à l'un de ses élèves préférés, Karl Abraham, qui défendait avec succès la psychanalyse à Berlin. À l'occasion d'une expertise qui m'a été confiée devant une commission d'enquête pour forfaiture militaire sur plainte contre Wagner Jaurek, j'ai pu constater à nouveau toute la haine cachée des psychiatres d'ici. Mais, naturellement, elle n'osait se manifester que lorsque je n'étais plus là. En ma présence, ils étaient avec moi comme cul et chemise, comme on se plaît à dire dans le langage des zones érogènes. Ça va retomber après la guerre, tout de même, parce que les crédits possiblement alloués à la création de centres psychanalytiques dans les armées, évidemment, n'auront plus de raison d'être. La psychanalyse sera plus, elle n'a pas été non plus au devant de la scène, mais elle a intéressé. Oui. Là, ça va prendre d'autres formes, c'est évident. Il semble que les accusations et l'enquête sur Wagner Jaurek tombèrent bientôt dans l'oubli. Quoi qu'il en soit, Il fut, notamment à la suite de son prix Nobel en 1928, l'orgueil de l'Autriche. Pendant mes années d'études et bien plus tard, je n'entendis plus parler de l'enquête menée sur lui. En 1950, Wagner Jaurek publiera ses mémoires. Il reviendra alors de façon surprenante sur ces événements en prétendant que Freud avait profité de l'occasion pour, je le cite, « manifester sa colère contre moi et remettre une expertise défavorable sur ma manière d'agir envers ce soldat, Kaudos, et tous les autres qui, à ma clinique, ont été libérés de façon un peu énergique, mais rapide de leur complexe symptomatique névrotique. » Wagner Jaurek a été quand même très blessé par cette histoire, par le fait qu'il a été traduit devant une commission. Il dit dans les débats, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que j'ai voulu faire du mal et tout ça. Lui, il est dans un devoir militaire, en fait. Il n'est plus médecin, c'est ce que lui reproche Freud. D'ailleurs, on peut se poser la question si le médecin a le droit de faire mal pour créer le bien, c'est-à-dire pour guérir. Le docteur Clovis Vincent en était convaincu. Le mal qui produit le bien n'est pas un mal. Le mal qui guérit n'est pas un mal. Ce que n'avait pas pensé, prévu Clovis Vincent, c'est que c'est un député, Paul Meunier, un petit peu monsieur droit de l'homme à la Chambre des députés, il est député et avocat, qui va défendre Baptiste Deschamps et qui va instrumentaliser l'affaire, qui va la faire connaître médiatiquement, qui va parler à la presse, etc. La presse va venir au procès. Ça va faire un tel foin, un tel chambard, que l'armée est très très ennuyée quand même. Et l'opinion, elle est essentiellement révoltée. Comment traite-t-on nos soldats? Comment traite-t-on nos enfants, nos maris, avec des décharges électriques? On leur fait mal, c'est scandaleux, on les traite contre leur volonté, et s'ils refusent, on les roue de coups, on les envoie au conseil de guerre, c'est inacceptable. Ça a fait un tel foin qu'à la fin, eh bien, c'est plus Clovis Vincent qui est condamné que Baptiste Deschamps. Baptiste Deschamps, il aura 3 mois avec sursis, c'est-à-dire rien, alors qu'il encourait la peine de mort, et on lui donne 3 mois avec sursis. Eh bien, Clovis Vincent, quand il voit ce verdict, il cesse d'être le directeur, le médecin-chef du centre neurologique de Tours, il demande à revenir aux tranchées, parce qu'il était déjà aux tranchées avant 1915, comme médecin de l'avant, et il dit en partant « Je préfère me battre contre les boches de l'avant que contre les boches de l'arrière. » Alors les boches de l'arrière, qui c'était? Ça en dit long quand même sur ce qu'il pense des soldats qu'il est en train de traiter, les boches de l'arrière. D'ailleurs, les médecins qui sont invités à se prononcer dans les commissions de réforme disent qu'il ne faut pas les pensionner parce qu'ils ont été des embusqués du cerveau, c'était des malades de la volonté, donc on n'a pas à les pensionner comme un amputé ou un vrai malade. Ça a toujours cette idée, vous voyez, que ce sont des faux malades. Et il faudra attendre 1992 quand même, la guerre du Golfe, pour que la France reconnaisse le stress post-traumatique. Deux traumatisés de guerre contre les chocs électriques. Avec Laura Sokolowski, Marlène Bellilos, Jean-Yves Le Naour et Corinne Benestroff. Merci à Gilles Tréel et Anne-Pascale Saliou. Lecture de Freud sur le front des névroses de guerre de Kurt Hessler, Werner Kolk. Archivina, Marine Decanse. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Coordination, Perrine Kervran, Marivona Bolivier. Prise de son, Yann Fressy et Yvan Turc. Mixage, Claude Nior. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffy Mariani.